Bien-aimé, que Dieu vous bénisse. C'est vraiment avec plaisir que je vais partager avec vous une petite exhortation. Gloire à Dieu. Il y a quelque chose qui se passe quand Pierre et Jean avaient imposé les mains aux gens, à des personnes, pour que ces personnes reçoivent le Saint-Esprit. Vous savez qu'en ce moment, les faux hommes de Dieu, pour opérer des miracles, puisque ce sont des faux, Dieu ne les a jamais envoyés. Mais il faut bien qu'ils fassent des miracles. Et c'est pourquoi Jésus dit, dans Matthieu 24, ils feront des prodiges et des miracles. Jésus dit, ce sont des faux. Et comme ils sont des faux, ils viennent pas, ils n'ont pas été envoyés par Dieu. C'est le diable qui les a envoyés. Mais il faut bien qu'ils fassent des miracles pour attirer les foules. Et c'est pourquoi vous voyez, ils font des miracles. Mais comme Dieu ne les connaît pas, donc ils ont recours à des fétiches, à des gris-gris, ils ont recours au diable par les fétiches pour opérer des miracles dans les églises. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a un homme qu'on appelle Simon. Cet homme assiste à quelque chose qui va l'impressionner. Pierre et Jean imposent les mains aux gens, aux fidèles. Actes chapitre 8, du verset 17 au verset 20. Je dis bien Actes 8, 17. On va lire le passage. Alors, Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant, accordez-moi aussi ce pouvoir afin que moi aussi j'impose les mains aux gens et qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Simon, qui est un païen, il voit les apôtres imposer les mains à des fidèles et ces personnes reçoivent le Saint-Esprit. Il dit, ok les gars, moi je suis prêt à vous offrir, à vous donner une somme d'argent pour avoir le pouvoir, votre pouvoir là. Vous imposez les mains aux gens, ils reçoivent le Saint-Esprit. Moi, je suis prêt à payer. Dites-moi les gars, vous me demandez combien? Votre pouvoir là m'intéresse. Je suis prêt à vous donner une somme d'argent pour avoir ce pouvoir. Comme ça, j'irai partout. Moi aussi, j'impose les mains aux gens. Et les gens vont recevoir le Saint-Esprit. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Des hommes qui veulent faire des miracles. Simon voulait faire des miracles, il voulait opérer des miracles. Mais il a vu Pierre et Jean imposer les mains, il a regardé, il a dit, oh, ces gens-là ont un pouvoir. Bon, moi, il est venu les voir. Les gars, je vous en prie, moi aussi j'aimerais avoir ce don. Vous me demandez combien? Parce que j'aimerais avoir ce don, comme ça moi aussi j'impose les mains, les gens vont aussi recevoir le Saint-Esprit. Je vous pose une question, frère, soeur. Simon, pour avoir le pouvoir d'imposer les mains, il est prêt à donner une somme d'argent. Croyez-vous que si les disciples avaient pris de l'argent, je parle à la manière des hommes, et que Simon se retrouve avec le pouvoir qu'il a acheté, Simon a acheté le pouvoir. Croyez-vous que Simon, qui a perdu de l'argent pour avoir un pouvoir, va aller de quartier en quartier en quartier, donner le Saint-Esprit gratuitement aux gens, alors que lui, il a payé. Il a dépensé son argent pour avoir le pouvoir. Il ne peut pas vous donner le Saint-Esprit gratuitement. Il faut bien qu'il récupère son argent. Parce que nous aussi, pour l'avoir, l'a acheté. Je veux dire quoi par là? Je comprenais pourquoi les faux hommes de Dieu demandent de l'argent. Pourquoi si tu vas le voir, il demande une offrande. Pourquoi pour une délivrance, pose l'argent sur la table? Pourquoi une prière de guérison, pose d'abord l'argent? Parce qu'il a été acheté le pouvoir qu'il a. Mais dans le cas de Pierre et Jean, ils ont dit à Simon, toi tu crois que l'onction de Dieu, la puissance de Dieu s'achète? Ils ont refusé. La puissance de Dieu, on ne la vend pas. Ce n'est pas par l'argent. Mais que font les faux hommes de Dieu? Ils sont dans l'esprit de Simon. Il faut que j'achète le pouvoir pour faire des miracles. Il faut que j'achète un pouvoir. Et comme il a dépensé de l'argent chez le marabout pour avoir sa bague, pour avoir de l'eau soi-disant bénite, pour avoir des huiles souillées que eux appellent huiles d'onction, il a payé. Le marabout ne donne pas gratuitement. Mais quand il faut bien qu'il gagne un retour de l'argent, Simon dit à Jean et à Pierre, je suis prêt à vous donner une somme. Dis-moi, dites-moi le prix pour avoir le pouvoir que vous avez. Je suis prêt à vous donner de l'argent. Mais croyez-vous que s'il achète le pouvoir, lui va aller au quartier donner ça gratuitement? C'est la raison pour laquelle les faux hommes de Dieu demandent de l'argent. C'est pourquoi ils ne veulent pas voir des pièces pendant les offrandes. Ils veulent voir des billets. Parce que le pouvoir qu'ils ont, quand vous voyez, ils imposent les mains, les gens tombent là. Ils ne l'ont pas reçu gratuitement. Le marabout vend le pouvoir. Le marabout vend la barre. Le marabout vend les mouchoirs magnétisés. Le marabout vend les huiles d'onction. Le marabout vend les chaînettes avec crucifix. Le marabout vend tout ça. Il vend l'eau qu'ils appellent eau bénite. Le marabout vend. Le marabout travaille avec son maître, le diable, qui lui donne le pouvoir. Et le pouvoir de Satan est mis dans la barre, dans l'eau bénite, dans les huiles d'onction et tout ce que vous voulez. Et c'est cette puissance qui se manifeste lorsque l'homme de Dieu impose la main. Bon, homme du diable, on ne peut pas les appeler homme de Dieu. Ça n'existe pas que d'aujourd'hui. Simon a vu les disciples, Jean et Pierre, imposer les mains. Il a vu la puissance de Dieu à l'heure. Et Simon a dit, acte 8, hein, vous pouvez aller vérifier, acte chapitre 8, du verset 17 au verset 20. Simon a dit, ce pouvoir-là, ça m'intéresse. Moi, je veux m'approcher de ces gens-là. Je suis prêt à leur donner une somme d'argent pour avoir moi aussi le pouvoir. Mais Jean et Pierre l'ont dit, les choses de Dieu, ça ne s'achète pas. L'onction de Dieu, le pouvoir de Dieu, ce n'est pas par de l'argent. Ils ont refusé. Ce n'est pas par de l'argent. Et Pierre lui a dit que ton argent périsse avec toi. Parce que tu as cru que le don de Dieu s'obtient par de l'argent. Que tu périsses avec ton argent. On n'en a pas besoin. Simon croyait que la puissance de Dieu, on l'obtient par le pognon. Parce que Simon s'est dit, je vais acheter ça, je vais me faire de l'argent. Parce que Simon ne peut pas dépenser une somme d'argent pour avoir un pouvoir que lui va donner gratuitement. Lui, il a dépensé de l'argent et il va venir vous trouver au quartier, vous donner ça gratuitement. Qu'est-ce que vous croyez, messieurs et dames? Vous qui critiquez, oh, l'homme de Dieu a demandé une offrande, l'homme de Dieu. Mais il a dépensé de l'argent pour avoir le pouvoir. Le marabout ne lui a pas donné le pouvoir gratuitement. C'est pourquoi lui vend, il vend le pouvoir. Il vend la délivrance. Il vend la guérison. Parce que lui aussi a acheté. Simon voulait acheter chez les disciples pour, il devait dépenser de l'argent. Et pourquoi lui va donner cadeau alors qu'il a acheté? Il allait vendre aussi pour récupérer son argent. Les faux hommes de Dieu vont auprès des marabouts pour opérer des miracles. Le marabout vend ses pouvoirs. L'homme de ce foie-là a dépensé de l'argent. Et pourquoi il doit vous donner des guérisons, le reste des délivrants cadeaux? Alors que lui, il a dépensé de l'argent pour avoir le pouvoir. Comprenez-le. Et Pierre lui dit que tu périsses. Tu n'as qu'à mourir avec ton argent parce que tu crois que le don de Dieu s'achète. La puissance de Dieu ne l'achète pas. Que tu périsses avec ton argent. Simon a vu que je peux me faire de l'argent avec ce pouvoir-là. Je suis prêt à acheter. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Des pauvres personnes, des chômeurs, qui n'ont rien à faire, qui voient leur avenir fermé, se disent, on va aller voir les marabouts. Aujourd'hui, en Afrique, les marabouts sont devenus riches. Ils ont plein de clients. Il suffit d'aller les voir, tout chômeur peut aller les voir. Oui, donne 400 000 francs, c'est facile, je te fais la bague. La bague qui permet que tu prophétises. La bague qui permet que les gens tombent en transe. La bague qui permet que tu aies les révélations sur la vie des gens. Ça s'achète, ça s'achète. Ça s'achète chez le marabout, ce pouvoir-là. Le pouvoir de la voyance, tu peux l'acheter chez le marabout. Ça se vend. Et puis la personne vient, il a déjà la bague ou le crucifix qui a été préparé. Il dit, ok, bon, je vais prendre quoi là? Révérend, évangéliste ou bishop ou... Il choisit le nom qu'il veut, c'est lui qui choisit un nom. Il dit, ok, moi maintenant je suis bishop, général bishop. Révérend, évangéliste. Et puis tout de suite, il commence à sillonner. Des loups, il a acheté le pouvoir. Il ne va pas te le donner cadeau. C'est pourquoi il te demande de l'argent pour la guérison. C'est pourquoi il te demande de l'argent pour une délivrance. C'est pourquoi il te dit, pose d'abord une offrande. Paye d'abord. Avant de prier, paye, paye, paye. Parce que le pouvoir que j'ai là, tu ne vas pas bénéficier de ça gratos. Moi, j'ai acheté. Le marabout ne m'a pas donné ça cadeau. Toi aussi, tu payes. Je ne suis pas là pour donner gratuitement ce que moi j'ai acheté. C'est de ça qu'il s'agit. C'est tout le même état d'esprit qui animait Simon lorsqu'il a vu Jean et Pierre, acte 8, imposer les mains. Il a vu la puissance de Dieu se manifester. Il a dit, tiens, tiens, tiens, ça, il me faut ça. Il me faut ce pouvoir-là. Il me faut ça. Il allait acheter pour aller le donner gratuitement. Jamais. Lui, il a perdu de l'argent. Pourquoi il va vous donner ça gratuitement? Il allait vendre aussi. Il allait dire, il allait sillonner les quartiers. Qui veut le Saint-Esprit? Moi, viens ici. Pose d'abord une somme. Parce que lui aussi a acheté. Pourquoi tu l'auras cadeau? Est-ce que lui, il a eu cadeau? Il allait dire, qui veut le Saint-Esprit? Moi, ok, venez ici, posez telle somme. Puisque moi aussi, pour avoir le pouvoir, je l'ai acheté. On ne me l'a pas donné cadeau. Donc, c'est la raison pour laquelle, chez les marabouts, le marabout vend. Et c'est pourquoi quand vous avez ces faux hommes de Dieu, général, bishop, Shekinah, n'est-ce pas, pasteur, prophète, il vient, te dit, offrande, posez l'offrande. Moi, je n'ai pas eu le pouvoir cadeau, tu n'auras pas la guérison cadeau, pose l'argent. Moi, je n'ai pas eu le pouvoir, ma bague, là, ça m'a foutu les yeux de la tête, pose d'abord une somme avant la délivrance. Pose une somme. Moi, je ne suis pas là à te donner cadeau, ce qui m'a coûté de l'argent. C'est de ça qu'il s'agit. C'est le même état d'esprit qui animait Simon dans acte 8. Lorsqu'il a vu les disciples imposer les mains, il a vu la puissance de Dieu, il a dit, ça m'intéresse ça. Ça m'intéresse. Je suis prêt à donner une somme. Comme ça, moi, j'irai de gauche à droite donner aussi ça aux gens et récupérer mon argent. Je veux me faire du pognon avec ça. Ok, frère, je vais lire un passage dans la Bible. Les faux hommes de Dieu, vous allez remarquer, dans leurs enseignements et dans leurs pratiques, ils peuvent vous dire, ils peuvent vous amener à utiliser le sel, l'eau bénite, l'huile, le savon, le miel, et certains fruits et des offrandes avant toute prière. Ils ont l'habitude d'aller chercher des trucs dans l'Ancien Testament pour venir vous dire Jésus n'a pas aboli la loi. Ils aiment dire ça. Donc pour eux, la loi continue. Je vais lire Matthieu chapitre 5 verset 17. Ne croyez pas, c'est Jésus qui parle, ne croyez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non abolir, mais pour accomplir. Merci Jésus, parce que tu es venu pour accomplir. Parce que tu savais que j'étais incapable de mettre en pratique la loi. C'est pourquoi tu es venu tout, tu es venu accomplir. Gloire à Dieu. Au verset 18, car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre. Jusqu'à ce que tout soit arrivé. Jésus dit, je ne suis pas venu pour enlever la loi, mais pour accomplir. Gloire à Dieu. Et on va lire la suite. Parce que les hommes de Dieu, pour utiliser l'huile, les fruits, n'est-ce pas l'eau, le sel. Ils vont chercher certains trucs dans l'ancienne alliance. Je suis désolé. Parce que je suis dans l'alliance qui a été scellée pas par les fruits, pas par les sacrifices d'animaux. pas par le sel, pas par les huiles d'onction. Mais cette alliance a été scellée par le sang de Jésus à la croix. Parce que Jésus est venu pour accomplir la loi. Mais il vient accomplir la loi pour qui? Pour moi. Parce que j'étais incapable de pratiquer la loi. C'est pourquoi il prend ma place pour l'accomplir. Et nous savons tous ce qu'il a fait à la croix. C'est pour ma délivrance. Et Jésus dit, attention, je ne suis pas là pour abolir la loi. Mais on va comprendre pourquoi il n'abolit pas la loi. Qu'on ne vous roule pas dans la farine. Tout est dans la Bible. Galates chapitre 3 au verset 24. Pourquoi Jésus n'abolit pas la loi? La réponse est dans Galates 3, 24. Que dit la parole? Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La loi est un pédagogue qui me conduit à Jésus, pour que je sois justifié par la foi. Au verset 25, la foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Jésus n'en est pas la loi, parce que c'est la loi qui est le pédagogue qui me conduit à Christ. Maintenant que j'ai la foi au sacrifice de Jésus, je ne suis plus sous ce pédagogue. Arrête-moi avec tes histoires de sel, d'huile, eau, savon, fluide. Je ne suis pas de l'ancienne alliance. Jésus est venu accomplir pour moi la loi à la croix. Il n'efface pas la loi. Non. Parce que quand je me mire, la Bible dit, la loi est comme un miroir. La loi est comme un miroir. Je regarde dans ce miroir qu'est la loi. Galates chapitre 3. La loi est comme un miroir. C'est ce que Galates dit. Ça veut dire quoi? La loi dit, tu ne mentiras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Vous connaissez tout le reste? Tu ne voleras point. Et tout le reste. Alors, moi je viens, je regarde ce miroir. Oui, je n'ai pas encore tué, mais quand même j'ai déjà menti. Oui, mais je n'ai pas encore commis adultère, mais j'ai fait ça. C'est un miroir qui permet à tout homme de se voir son état de pécheur. Parce que grâce à ce miroir, je vois qui je suis. La Bible dit, ça me conduit à Christ. Je me dis, oh Seigneur, sans Jésus, je suis un homme mort. Sans Jésus, aucune porte de sortie pour moi pour être sauvé. C'est pourquoi Jésus a laissé la loi. Parce que la Bible dit, sans la loi, le péché est mort. La Bible dit, le péché existe grâce à la loi. Mais si on retire la loi, le péché est mort. Parce que si Jésus enlève la loi, les gens ne vont plus chercher à aller vers lui pour la repentir. Ils ne vont plus se repentir. Parce que si on enlève la loi, le péché n'existe plus. C'est ce que la Bible dit. C'est pourquoi Jésus laisse la loi. Donc tout homme, si tu es honnête avec toi-même, tu viens sur la loi, qui est le miroir selon Galates chapitre 3, et tu verras que même si sur l'un des 10 commandements, il y a un truc que tu n'as pas respecté dans ta vie active. Tu n'as jamais tué, mais tu as menti un jour. Tu n'as jamais volé, mais tu as commis adultère un jour. Donc grâce à ce miroir, on trouve que nous sommes des pécheurs grâce à ce miroir, et on se suit. Pourquoi la Bible dit, c'est un pédagogue qui nous conduit à Christ. C'est pourquoi Jésus n'enlève pas la loi. C'est juste parce que grâce à la loi, nous partons à Christ. C'est-à-dire au salut par grâce. Et la Bible dit, la foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Nous sommes sous la grâce. Je ne suis plus sur ce pédagogue. C'est ce que la Bible dit. Alors ne viens pas me dire, pose d'abord une offrande pour une délivrance. Pose d'abord une offrande pour une guérison. Tu es un escroc, tu es un escroc. Je ne suis plus sous ce pédagogue. C'est ce que la Bible me dit. Pourquoi tu me demandes de l'argent pour une délivrance? Pourquoi il faut de l'argent pour une guérison? Pourquoi? Tu es un commerçant. Jésus a trouvé des commerçants dans l'église, des gens qui n'étaient pas là pour adorer Dieu, des gens qui n'étaient pas là pour le salut des âmes. Il a pris le fouet, il a commencé à les bastonner, sortez, parce que la maison de Dieu, c'est pour le salut des âmes. Mais vous faites de la maison de Dieu une maison de commerce. Les Les commerçants sont dans l'église. On vend tout, on vend tout. On vend les prières. Pose d'abord une offrande pour une délivrance. Pose d'abord une offrande pour une guérison. Les commerçants. Et Jésus est choqué. Jésus dit, mais comment vous pouvez venir faire votre commerce dans la maison de Dieu, qui est une maison où on adore Dieu? Mais ces gens n'étaient pas là pour le salut des âmes. Tous ces commerçants qui sont aujourd'hui, qui vendent les prières, qui vendent les délivrances, ce n'est pas là pour le salut des âmes. J'ai été choqué, cet homme en Italie, la petite fille de 9 ans ou 10 ans est malade. On va voir un homme de Dieu. L'homme de Dieu dit, pose d'abord telle somme comme offrande pour que je prie pour l'enfant. Mais comme cet homme n'a pas de moyens, il retourne à la maison avec la petite fille malade parce que papa n'a pas le montant que l'homme de Dieu demande pour l'offrande. Des escrocs. Ils sont là pour l'argent. Ils s'appellent bishop, général de Dieu, Chekina, et révérend pasteur, révérend apôtre. Ils ont pris des noms. C'est le pognon qui les intéresse. Ils sont dans l'église comme ce sont des gens charnels. Ils regardent les belles femmes. Ils couchent. Il faut qu'ils couchent avec. Il faut qu'il ait de l'argent. D'accord? Quand la puissance donnée par le marabout de la bague et autres commence à diminuer, il repart. Il fait un voyage. Allez voir le monsieur. Aujourd'hui, des marabouts sont riches en Afrique. Riches. Les marabouts sont riches. À cause du phénomène des faux hommes de Dieu, les marabouts sont devenus riches. Ils sont sollicités. Tout le monde va les voir pour devenir homme de Dieu qui fait des miracles. Tout le monde. Les commerçants sont revenus dans l'église. Jésus les avait chassés. Ils sont revenus. Et le peuple. Et dans les garments, vous avez des gens qui courent derrière eux parce qu'ils cherchent le miracle. On ne vérifie plus. Est-ce que ce qu'ils prêchent est biblique? Non, on s'en fout. La seule chose, c'est d'avoir le miracle. Bien-aimés. Alors, ils ont des pratiques que Jésus ne connaît pas. Dites-moi, devant qui Jésus a utilisé le sel? Devant qui Jésus a fait boire l'eau bénite? Jésus a utilisé le savon, le miel. Auprès de qui? Les disciples ont demandé les fruits à qui? Amène les fruits. On va prier. On va faire un bain. On va faire des ablutions. Quel disciple a exigé une offrande pour une guérison? Une offrande pour une délivrance? Quel est ce disciple? C'est Jésus qui est le chemin. C'est lui qui nous montre la vérité. Et Paul disait, soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ. Christ est mon modèle. Mais ces faux hommes de Dieu-là ont pour qui le modèle? Qui est leur modèle? Qui? Jésus n'est pas leur modèle. Jésus a utilisé les fruits auprès de qui? Jésus n'est pas leur chemin. Jésus n'est pas leur modèle. Jésus a utilisé le sel où? Où? Jésus a utilisé le sel. À quel moment Jésus a utilisé des fruits, le miel? À quel moment Jésus a exigé une offrande pour une délivrance ou une guérison? Si vraiment Jésus est votre modèle, Jésus fait ça où? Parce que vous êtes des escrocs. Vous êtes partis chercher les puissances exactement comme Simon a vu Pierre et Jean imposer les mains. Il a été attiré par la puissance de Dieu et il est venu les voir pour acheter la puissance. Acheter. Pierre lui a dit que tu périsses avec ton argent parce que tu crois que la puissance de Dieu, ça s'achète. On ne vend pas, Dieu ne vend pas son onction. Dieu ne vend pas sa puissance. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Comme Pierre et Jean ont refusé à Simon la puissance de Dieu, Simon s'est tourné vers les marabouts. Simon d'aujourd'hui s'est tourné vers les marabouts. Et le marabout lui a dit, moi j'ai le pouvoir. Grâce à mon pouvoir, tu peux prophétiser. Grâce à mon pouvoir, tu peux connaître ce qui est dans la vie des gens, la voyance. Moi j'ai le pouvoir de la voyance. Je peux te le donner. Oui, comme je vous l'ai déjà dit, dans Actes des Apôtres, il y a une femme qui prophétisait quand il voyait Paul passer. Ces hommes sont des serviteurs de Dieu. Ils vous annoncent la voie du salut. Mais c'était vrai ce qu'elle disait. La Bible dit Elle était possédée d'un démon de Python. En fait, c'est le démon de Python qui révélait à cette femme qui était Paul et les personnes qui étaient avec lui. C'est pourquoi le faux homme de Dieu, le bishop là, le révérend là, quand il te dit, voilà ce qui s'est passé dans ta famille, c'est grâce au démon de voyance. C'est par la voyance, là il est dans la voyance là. C'est ce démon qui lui parle de ta vie. C'est ce démon qui lui parle de ta famille. C'est pourquoi il peut te parler des choses de ta famille. Mais ce n'est pas le Saint-Esprit. La femme qui disait, Paul est serviteur de Dieu, il vous annonce la femme du salut. La Bible dit qu'elle était possédée d'un démon. Est-ce qu'elle avait le Saint-Esprit? Donc c'est pour te dire que toi là, le démon connaît ta vie, le diable connaît ta vie. Et un homme de Dieu qui a le démon de voyance en lui, il peut te parler de ce que tu as fait hier. Il peut même te dire ce qui s'est passé entre toi et ton mari la nuit. Nous sommes dans les temps de la fin, enfants de Dieu. Nous sommes dans les temps de la fin. La Bible dit, Jésus n'est pas venu abolir la loi. Oui, mais dans Galates chapitre 3, la Bible nous dit que la loi est un miroir. C'est pourquoi Jésus ne l'a pas aboli. C'est grâce à ce miroir. Quand tu viens regarder dans le miroir, c'est pour voir l'état de ton corps. Est-ce que j'ai la crème à la figure? Est-ce que mes cheveux sont bien peignés? C'est pourquoi tu viens sur le miroir? Est-ce que je suis bien habillé? La Bible dit, la loi, c'est un miroir. Galates 3. Donc quand l'homme païen vient regarder dans ce miroir, il verra qu'il est pécheur. Il verra qu'il commet les adultères. Il verra qu'il ment. Il marche dans la fornication, dans le mensonge. Si tu es honnête, quand tu vas regarder dans le miroir de la loi, tu verras qu'il y a un commandement de la loi que tu n'as pas respecté. Alors, comme le miroir te le montre, tu te tournes alors vers Christ par la foi. Et la foi étant venue, tu n'es plus sous ce pédagogue qu'on appelle la loi. Tu n'es plus sous la loi. Une fois que tu es dans la foi, tu n'es plus sous ce pédagogue. C'est Galates chapitre 3 qui le dit. Une fois que tu as la foi, tu regardes, Jésus n'enlève pas la loi. Grâce à la loi, tu verras ta nature de pécheresse. Ensuite, tu te tournes vers Christ par la foi. Une fois que tu es dans la foi en Jésus, la Bible dit, tu n'es plus sous ce pédagogue. Galates chapitre 3, au verset 24 et 25. Pourquoi on te parle encore de la loi? Pourquoi on te parle encore des choses de l'Ancien Testament? La Bible dit que tu n'es plus sous ce pédagogue. Pourquoi on te fait boire l'huile? Pourquoi on te dit d'amener le sel? Pourquoi on te dit pour d'avoir une offrande pour une prière? Pourquoi on te dit d'amener des fruits, le miel? Pourquoi on te demande ces choses? Tu n'es plus sous ce pédagogue. C'est ce que la Bible dit. Enfant de Dieu, je vais terminer par ça. Toi qui ne veux pas lire la Bible, je te pose une question. Comment tu vas résister aux faux enseignements? Comment tu sauras que là, le faux homme de Dieu te roule dans la farine? Les chrétiens de Bérée sont un modèle pour nous. Quand ils ont entendu que Paul vient dans la ville de Bérée pour prêcher la parole, ils sont venus, chacun avec sa Bible. Et pourtant, Paul est serviteur de Dieu. Ils n'ont pas dit ce que Paul dit, c'est un homme de Dieu, il a l'appel. On va juste encaisser, gober tout ce qu'il dit. Non, la Bible dit, Paul parlait devant, ils ouvraient leur Bible et ils vérifiaient. Est-ce que ce qu'il dit là est dans la Bible? Parce que c'est ce qui manque aujourd'hui. Toi qui bois l'huile là, on te fait boire le miel. On te dit amène d'abord les fruits. Mais si tu lisais ta Bible, si tu comprenais ta Bible, on ne pourra pas te rouler, te faire faire des choses qui ne sont pas bibliques. La loi, c'était pour que tu te regardes toi-même ton état de pécheresse là-dedans, pour se tourner à Jésus par la foi. Une fois que tu es dans la foi au sacrifice, à la croix, tu n'es plus sous ce pédagogue. Ça veut dire que tu n'es plus sous la loi. Le pédagogue, il te permet juste de voir ton état, que tu es pécheur, pour que tu te tournes vers le Messie Christ qui paie à la croix pour tes péchés. Maintenant que tu es dans la foi, la Bible dit, tu n'es plus sous ce pédagogue. Pourquoi on te demande encore le sel? Amène le miel, l'huile, bois ça, bois l'eau. Tu n'es plus sous ce pédagogue. Pourquoi on te demande une somme d'argent? pour avoir droit à la délivrance, une somme d'argent pour être guéri. C'est parce qu'ils sont comme Simon. Simon a vu la puissance de Dieu dans les mains de Pierre et Jean. Simon a dit, il faut que ces hommes-là me donnent leur pouvoir. Je suis prêt à leur donner de l'argent. Mais il allait faire quoi avec ce pouvoir? Il allait partir de gauche à droite et dire, ok, moi j'ai le pouvoir de vous donner le Saint-Esprit. Posez d'abord telle somme. Mais c'est normal, parce que lui aussi a acheté. Il a acheté, pourquoi il doit vous donner cadeau? C'est pourquoi les faux hommes de Dieu demandent l'argent. La barre qu'il a là, le marabout n'a pas donné ça cadeau. C'est pas cadeau. Pourquoi lui, il doit vous faire des choses cadeaux? C'est pourquoi il demande de l'argent. Il faut le comprendre. Un vrai homme de Dieu ne demande pas l'argent. Un vrai point de l'Éternel ne demande pas l'argent pour une délivrance, ne demande pas l'argent pour une guérison. Un vrai homme de Dieu. Quel disciple de Jésus a demandé une offrande avant une prière? C'est écrit où? C'est écrit où? C'est où dans la Bible? C'est où? Jésus a dit à qui? Amène d'abord des fruits. Amène le sel. Amène l'eau bénite. Jésus a fait ça où? C'est Jésus le chemin. C'est Jésus qui nous montre comment on traite avec Dieu. Et l'apôtre Paul dit, moi je suis imitateur de Jésus. J'imite Jésus. Mais ces faux hommes de Dieu imitent qui? Puisque c'est Jésus le maître. Comment ils peuvent faire des choses qu'ils n'ont pas vu Jésus faire? C'est la question. L'apôtre Paul dit, moi je prends Jésus comme modèle. Suivez-moi. Mais ces faux hommes de Dieu qui font des choses que Jésus n'a pas fait. Qui est leur modèle? Le prophète Esaïe, le prophète Jérémie, le prophète Ézéchiel, c'est leur modèle. Parce qu'Ézéchiel a demandé le sel à je ne sais pas qui, toi aussi amène le sel. Parce qu'Ésaïe a demandé, je ne sais pas, les offrandes, toi aussi amène l'offrande. Donc, c'est Ésaïe ton modèle alors. C'est Jérémie qui est ton modèle. Parce que si Jésus est ton modèle, tu suivras Jésus comme Paul. Tu ne vas pas faire des choses que Jésus ne connaît pas. Mais si tu demandes des offrandes, tu demandes le sel, l'huile, et tu utilises ces choses, parce que Ézéchiel, c'est ton modèle. Donc ton modèle, c'est Moïse. Ton modèle, c'est Amos. Mais Jésus te dit que c'est lui ton modèle. C'est alors qu'on saura qui a été envoyé par Jésus et quelles sont les personnes qui sont des marabouts déguisés en hommes de Dieu, des marabouts, des sorciers déguisés en hommes de Dieu. Ils ont pris les titres des hommes de Dieu. Et Jésus dit, ils seront dans l'église, ils feront des prodiges, ils feront des miracles. Ils ont pris des titres. Comme les vrais hommes de Dieu s'appellent pasteur, lui aussi se dit pasteur. Comme les vrais hommes de Dieu s'appellent évangélistes, moi aussi je prends le nom d'évangéliste. Ils se sont mélangés dans l'église. Mais Jésus a dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Ils ont un témoignage pourri. Vous pouvez les voir avec des beaux costumes. C'est les gens qui marchent dans l'adultère. C'est les gens qui marchent dans la fornication. C'est les gens qui suivent les gens pour de l'argent. Et vous allez voir dans leurs églises. Tu arrives dans l'église aujourd'hui, si tu es un grand patron qui a de l'argent, tout de suite, on te met à la première place. C'est toi qui occupes le devant. Les gens qui sont là depuis longtemps, ils sont derrière. Toi qui viens d'arriver, ils vont regarder quelle voiture tu as garée sur le parking. Ils se disent, celui-là a le pognon. Et tout de suite, on te donne des rôles dans l'église. Tout de suite, on te donne des rôles. Tu es maintenant diacre. Voilà. Tu vas t'asseoir aux premières places. Parce qu'ils ont vu que tu as l'argent. Parce qu'ils suivent l'argent. Tout de suite, tu es devant. Toi qui viens d'arriver. Parce qu'ils ont vu que tu as l'argent. Tu vas payer. Ils vont sucer ton argent. Ils suivent les gens par de l'argent. Ils ne sont pas là pour le salut des âmes. Ils sont attirés par l'argent. Bien-aimés. Nous sommes dans les temps de la fin. Ils ne sont pas là pour le salut des âmes. Tu peux être malade chez toi. Il ne va pas se déplacer pour venir te voir. Il n'a pas le temps. Il veut l'argent. Est-ce qu'il est là pour le salut des âmes? Pourquoi il va s'occuper de toi? C'est pourquoi, quand il te dit, donne telle somme pour offrande, si tu n'as pas ça, tu retournes chez toi avec ta maladie. Il s'en fout. C'est l'argent qui l'intéresse. L'argent. Parce que le pouvoir occulte qu'il a pour opérer des miracles, il l'a acheté. Et pourquoi il doit te donner des trucs gratuitement alors que lui, il a dépensé de l'argent pour avoir le pouvoir occulte qui lui permet de voir ce qu'il y a dans ta vie et de guérir les malades? Pourquoi il doit te donner sa cadeau alors que lui, il a payé chez le marabout ce pouvoir-là? Et pourquoi il doit te donner ce truc-là cadeau? Pourquoi? C'est pourquoi c'est payant? Parce qu'il faut bien qu'il gagne son argent. Parce que lui aussi a dépensé de l'argent chez le marabout pour avoir le pouvoir. Il ne va pas te donner sa cadeau. C'est de ça qu'il s'agit. Comprenez-le. C'est pourquoi il demande de l'argent. L'apôtre Paul n'a jamais demandé une offrande à qui que ce soit pour un miracle. Jamais Jacques a demandé à qui que ce soit, apporte d'abord une offrande. L'apôtre Jean n'a jamais dit, on va utiliser le sel, l'huile d'onction. Jacques n'a jamais dit, bois cette eau, bois de l'eau, bois de l'eau. Il suivait Jésus, qui est le Messie. Il suivait Jésus, qui est le chemin. Il faisait tout pour imiter leur maître. Parce que Jésus a dit, le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Jésus a dit, je suis le chemin. C'est moi que vous suivez. Pratiquez ce que vous m'avez vu faire. Et c'est pourquoi Paul dit, Christ, Jésus, c'est lui que je suis. Suivez-moi, parce que moi, je suis Jésus. Les gens qui vous demandent le sel, huile et machin, Jésus n'est pas leur Messie. Ils vont fouiller. Oh, Ézéchiel a demandé le sel. Oh, Jérémie a fait ça. Ah bon? Donc, c'est Ézéchiel et Jérémie qui sont le chemin pour toi. Pourquoi tu ne fais pas comme Jésus te demande de faire? Si vraiment tu es le disciple de Jésus, si vraiment tu es son disciple, pourquoi tu ne suis pas l'exemple du maître? Depuis quand le maître a demandé une offrande avant une prière? Depuis quand? Depuis quand le maître a demandé une offrande avant une délivrance? Il a fait ça où? Tu as vu ça où? Pourquoi tu fais le contraire de ce que Jésus le maître a fait? Parce que tu n'es pas son envoyé. C'est pourquoi tu fais différemment. Parce que ce n'est pas Jésus qui est ton maître. Parce que ce n'est pas Jésus qui t'a envoyé. C'est pourquoi tu peux faire le contraire de ce qu'il a fait. Tu n'es pas son disciple. Si tu étais son disciple, tu allais suivre son exemple. Jésus allait être ton modèle. C'est ça la vérité. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse.